La plaisir si joli quand la cora j'ai blicoté pour danser retentit. J'ai la conga, j'ai la conga, blicoté. Quand la conga j'ai blicoté, diable mort lui partit. J'ai Blicoti, coti, moli, si joli, c'est ainsi, la nuit si gentille tu fais. Loin d'ici, que monte ce chant joyeux. Dans le cœur, l'amour fait sa loi bancaire. Dans l'aspect de l'astre d'or, les gens paient pas nul, n'est d'or. Aimer bientôt, la conga des bras finis. Le coton verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. Au soir, la danse à grand bruit reprend toujours pour la nuit. Conga, blicoti. Quand la conga vient blicoti, diable mort, lui parti. Yeah, blicoti, coti molli, si joli, si joli. La conga blicoti.